Oh my god. Bouteille ouverte par la zone, par le boss, je suis invité. Regarde-moi de la tête au pied, est-ce que j'ai l'air d'être embêté? Laisse-les me porter l'œil, rien à foutre, je m'achète du kendo. Après je sors de la benzo. Feu d'artifice, je suis à ma table, j'ai ce genre de bracelet. Bracelet. En Berlin, moi je suis pas comme vous. Fuck les transports en commun, fuck un vol économique. J'paye ma classe à faire en tête. J'ai vu mon entourage changer. Des millions de vies viendront, des millions de problèmes. Je me rappelle comment mon peuple était enchaîné. Tout a changé depuis, les bijoux sont en or. On a ce genre de bracelet, bracelet, bracelet, bracelet. Des problèmes on avait, des solutions on aura. Sur la route du succès, boîte auto, je peux pas caler. VIP, argent et A, j'ai tout fait pour avoir ce genre de bracelet. Bracelet. Oh my god, blink, what's the look? What?